cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Abdussalam ibn Burgess rahimahullah al-a'iq al-sabi' isti'jalu al-thamar, ay se précipiter, vouloir les résultats directement. Isti'jal al-thamar. فالعلم لا شك أن مع الوقت الطالب يستفيد في الحفظ ويستفيد في الفهم ويستفيد في معرفة الكتب والعلوم لا شك أن avec le temps الطالب يبخفيتها لكن بعض الطلبة يسبخسيبت أيبل لغزلتا ديركتما هذا عائق كبير. لماذا؟ لأن هذا العلم il faut du temps pour avoir un résultat. Ça ne veut pas dire que l'insan ne profite pas directement là. لكن pour avoir un résultat كبير أو un résultat طيب فهذا يحتاج وقت. فبعض الطلبة certains étudiants ils étudient هذا العلم et très vite ils veulent devenir des شيوخ des علماء et هذا ça peut être très très dangereux pour un talib. لماذا؟ لأنه s'il ne voit pas ce résultat, إما عياذا بالله il peut arrêter l'ilm. لماذا؟ لأن pour lui c'est trop long. Il espère telle chose et avec le temps il patiente pas. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ربما يترك. لأن pour lui il n'y a pas de résultat. عياذا بالله. Deuxième cas, ربما يغتر بنفسه ويظن أنه بلغ un مستوى qui n'est pas le sien, un niveau qui n'est pas le sien, ويتكلم بغير علم. Il pense qu'il a atteint tel niveau et هو في الحقيقة c'est encore un débutant, ويتكلم بغير علم. Deux cas, إما il arrêtera عياذا بالله, إما il sera plus à sa place. هذا عائق كبير, c'est un obstacle كبير. فالطالب, il doit bien comprendre أن هذا العلم, c'est toute la vie. هذا العلم, c'est pas un moment, une année, deux ans, ou pour un diplôme, لا. هذا العلم, c'est une عبادة. ولا تستعجل الثمرة, ne te précipite pas. لأن الشيطان يدخل من هذا الباب, et il fait désespérer ce طالب. Ça fait un mois que je fais ce livre. Ça fait 6 mois qu'on étudie cette matière. Ça fait 1 an et je ne sais pas encore lire correctement. Je n'ai pas compris telle matière. Je n'ai pas compris tel livre. Le shaitan te fait croire هذا, hatta tu délaisses. Et délaisser l'ilm, c'est très grave. Ala kulli hal, anta t'es fi khayr. Tant que tu étudies هذا العلم, t'es fi khayr. T'as compris ou t'as pas compris? لأن هذا العلم c'est une ibadah. Et tant que tu fais les efforts, tu fais ibadah. La compréhension c'est quelque chose de tayyib. Et Allah subhanahu wa ta'ala il donne al-fahm, il donne al-zaka. Ba'du al-talaba ils comprennent beaucoup plus vite que d'autres. Ba'du al-talaba ils mémorisent beaucoup plus vite que d'autres. Ba'du al-talaba certains étudiants ils ont des facilités. D'autres ils ont plus de mal. Lakin al-a'malu bin-niyyat. Celui qui a une bonne intention, il est récompensé. Mais celui qui a une mauvaise intention, même s'il avance vite, même s'il comprend, même s'il apprend par cœur beaucoup de choses, il a une mauvaise intention, ça lui est d'aucune utilité. Mais ce talib, même s'il a du mal, tant qu'il continue, il patiente, et il continue à faire des efforts, même s'il a du mal à comprendre, ala kulli hal, il est récompensé. Ça revient d'aïman à l'objectif, c'est quoi ? L'objectif de هذا العلم c'est رضي الله. C'est pas de se montrer, c'est pas d'avoir un diplôme, c'est pas d'avoir tant de connaissances là. Celui qui fait des efforts et il connaît ما قدره الله عز وجل et il met en application, alhamdulillah. C'est pas une condition que tous les étudiants ils connaissent telle chose par cœur, ils fassent tel livre là. L'essentiel, chacun selon ses capacités. أهم شيء on fait des efforts. أهم شيء on fait des efforts. Si tu fais des efforts, walillahi alhamd, t'es sérieux, t'as une bonne intention et ton niveau, ça sera d'apprendre tel livre, comprendre telle matière, alhamdulillah. Un autre, peut-être que son niveau, ça sera autre chose. On ne se précipite pas. Ils veulent les fruits directement. Il faut du temps. Khassatan au départ. Au départ, surtout pour les non-arabophones. Il faut du temps. Les premiers mois, les premières années, ça sera un apprentissage de la langue, bien sûr, sans négliger at-tawhid ou al-aqida, c'est muhim. Et mois après mois, tu vas augmenter tes connaissances, incha'Allah ta'ala. هذا لا بد منه لا بد منه قال الشيخ عبد السلام رحمه الله يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها صحيح بعضهم pense que العلم c'est comme une bouchée أو une gorgée d'eau. Et très vite, tu le prends et khalas, ça reste vide. Là, à l'ilm, il faut du temps. Qala fa yu'ammil fi qararati nafsihi annahu ba'd mudhi sana aw akthar aw aqal min umrihi fi at-talab sayasbihu 'aliman jahbidan la yudrak kalima hadi ma hiya mafhuma. قال ولا يشق غباره على كلمة précédente ينظر هذه آفة كبيرة في الطالب أي en quelques mois, quelques années, il veut devenir un alim من الجهابذة أي من الكبار ربما quelques mois et il se précipite là هذا العلم يحتاج إلى وقت et ce qui est bénéfique et profitable في هذا الباب et on l'a cité كثيرا c'est de revenir à la biographie des salaf. La tadhun anna al-imam Ahmad rahmatullah alayhi s'est devenu imam ahli sunnah. Hakada en une semaine. Ou l'imam al-Bukhari s'est devenu amir al-mu'minin fil hadith. Hakada en un mois. Il y a eu des sacrifices. Il y a eu des voyages. Il y a eu de la patience. Il y a eu des épreuves. Il y a eu du temps. Hatta fatahallahu alayhim, il s'est devenu des imams min a'immati sunnah. Qala وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة. C'est très très grave هذا. Ça fera beaucoup de mal au طالب. لماذا؟ قال إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم. C'est ce qu'on a cité. لأن si il pense qu'en quelques mois avec les quelques efforts qu'il a fait, ça va devenir un kabir parmi les kibar, ou un alim parmi les ulama. Et il ne connaît pas sa place, sa véritable place, son véritable rang. Robbama, il va s'avancer dans des choses. Robbama, il ne va pas revenir à ahlil ilm, al-kibar, al-rasikhoun. Et ça va ouvrir une porte de fitna à la nafsih ou à la ghayrih. Et c'est ce qui se passe à notre époque. Kamilannas, ils ne sont plus à leur place. Limad, les anaomis ont étudié, probablement un an, deux ans, cinq ans, dix ans, aqal akthar, et ils pensent, ils sont arrivés à un certain niveau, ils peuvent dire certaines choses. Alors que là, هذا العلم, il faut شيء من الوقت. Et هذا, c'est pour celui qui يطلب العلم avec une méthodologie correcte, عند العلماء. Là, il faudra beaucoup de temps pour qu'il arrive à un niveau. Amma, celui qui étudie, et il n'a pas de méthodologie, il n'a pas de manhaj, et il n'a pas de barnamaj, et il étudie par inda ahlil ilm, là, robama sinin, robama toute sa vie, il n'arrivera pas à un niveau correct. Limada li anna hadhal ilm labud min akhdihi inda ahlih. On vit à une époque, nahnu al-ba'd, لا يطلبون العلم عند العلماء et كذلك ils ont fait des efforts minimes sur une durée de temps très courte ويظنون أنهم ils sont arrivés à tel niveau هذا عائق كبير. C'est pour ça que هؤلاء en général ils sortent pas من دائرة الجهال, ils restent toujours من الجهال من المتعالمين. لماذا؟ لأن celui qui connaît pas sa place, sa véritable place, son véritable rang, il ne progressera plus. Il va rentrer dans des choses qui lui feront beaucoup de mal. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال: من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر. Le chapitre qu'on a vu dans le dars précédent. Al-kibr wa hubb al-ulu, et vouloir se montrer ba'dhuhum rubbama yatlubuna al-ilm, une semaine, un mois, six mois, et ils veulent déjà se montrer. Alors que même si on étudie des années, on n'a pas à se montrer. Lakin ha'ula, à cause de leur ignorance, et ils ont certaines connaissances au départ, ils veulent se montrer. Et ils veulent faire croire aux autres annahum, ils ont atteint tel niveau. Wa hadha la la yamdar. Hadha al-ilm, c'est une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui il veut, azza wa jal. Al-insan, comme on a vu dans le dars précédent, yulazim at-tawadu'. Et il reste à sa place. Nahnu on est des débutants. Kullama on reste à notre place. Kullama insha'Allah, on continue à faire des efforts et la'alla nastavid wa nufid. Amma dès le départ, l'insan il aime se montrer. Il aime se montrer. Il veut absolument être complimenté, être félicité. Annahu il a des connaissances. Annahu il fait tel doros. Annahu. Ah, ça lui fera du mal. L'anhad al-ilm, c'est jusqu'à la mort. Et celui qui veut réussir, labud min ikhlas. C'est ça, la provision essentielle pour talib al-ilm. Comme il y a un nas en qata'u, au milieu du chemin. Ils ont étudié un an, ou six mois, ou deux ans. Thumma, ils se sont mis en avant. Les gens, ils les ont gonflés, élevés. Thumma, six mois, un an, deux ans. Voilà. تسمع لهم ذكر تنتم plus jamais parler de لماذا لان هذا العلم c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève. Mais celui qui veut forcer la chose et il veut se montrer, il reste plus à sa place, ça yadur nafsa, il va se montrer, il va faire un dars, il va rubama écrire une risala, thumma avec le temps les fitan ila akhiri yafshal. هذا vous l'avez vu et on le voit. قال وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. سافني هكذا. على فان هجر العلم وأهل العلم. ربما cette personne qui n'était pas à sa place, qui avait un manque clair de sincérité, qui avait un manque clair de علم, et vu que cette personne elle n'est pas restée à sa place, ربما elle va rentrer dans des choses, dans des fitan قيل وقال, et cette fitna elle va lui faire du mal. Hatta lui-même, il se retire. Et il délaisse l'ilm ou l'ulama. Ba'duhum, iyadam billah, rubbama, ils sont revenus ila dunya. Ba'duhum, iyadam billah, rubbama, ils ont délaissé sunnah. Bel, c'est déjà arrivé. Ba'duhum, ils ont délaissé l'islam. Limadha li'anna al-fitan, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. L'insan, yuhafidh ala qalbih. Da'iman al-ikhlas. T'as pas besoin de te montrer, anna ka tu sais, anna ka t'as étudié. T'as pas besoin de ça. Fais des efforts pour l'ilm et la sincérité et ta'awun ma'a ikhwanik. T'as une faïda, donne-la, t'as des capacités à enseigner à tes frères, fais-le et à ta place. Amma, on brûle les étapes et on veut se montrer et kadhalik, on n'est plus à notre place et on parle dans des sujets graves, sensibles, au lieu de revenir à ahl al-ilm, enfin, c'est ça qui fait du mal à ce talib débutant. Qala, wa laqad asab al-ma'moun عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. هكذا قال المأمون عصون الضرب أنه il avait remarqué أن البعض se précipitait. فلهذا il a dit أن بعضهم ils ont étudié le hadith 3 jours, خلاص ils sont devenus من أهل الحديث. والحديث ça demande un certain temps. قال والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة لا يفترون ولا يتقعسون ولا يستكبرون شعارهم العلم من المهد إلى اللحد. C'était ça شعارهم. Hey, tu peux traduire leur slogan. Hey, ils étaient على هذا العلم من المهد. Il a l'ahd. Al-mahd, c'est le berceau. Al-lahd, c'est la tombe. C'est une façon de creuser la tombe. On a le murad, c'est la tombe. Aïe, depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à la mort. Al-ilm, c'est un mode de vie. Al-ilm, c'est pas une mode. Al-ilm, c'est dinun. Al-ilm, c'est pas pour dunya. Al-ilm, il y a une façon de faire. Al-ilm, c'est pas comme on veut. Al-ilm, c'est pas pour se montrer aux gens. Al-ilm, c'est lillahi azza wa jal. Ha'oula, as-salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont tout fait pour ne pas se montrer. Et celui qui a lu certaines de leurs biographies, ya'lam hada. Ils ont tout fait pour ne pas se... qu'on les connaisse pas. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala rafa'ahum. Et jusqu'à aujourd'hui, on cite ha'oula, al-a'im. Wa'ad al-nas, ils font tout pour se montrer, iyadam billah, et à la fin, vaya'a. Pourquoi? On doit bien comprendre, on a celui qui élève et qui rabaisse, c'est Allah Azza wa Jal. Enfin, celui qui veut être élevé, fi dunya wal akhirah, al-ikhlas. Et il ne rentre pas dans ces choses. Il veut être montré. Le mushkila, on vit dans une époque, ils ont été éduqués à l'hada. Un système de célébrité. Un système d'être connu. Comme on le répète avec tous ces réseaux sociaux, avec Internet, c'est une génération, ils ont été éduqués à la halle. Il faut se faire connaître, il faut avoir des suiveurs. Le contraire de l'époque des salafs. Ils étaient éduqués à l'ikhlas. Ne pas se montrer, ne pas rentrer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. Ne pas parler sans ilm. Cette époque, c'est tout le contraire. Wallahi la ilm. On ne parle même pas de cette catégorie, ils ont étudié un an, deux ans, quatre ans, cinq ans, et ils n'ont pas assez de ilm pour parler ou pour enseigner. On ne parle pas de ce qis. On parle d'un autre, à notre époque, où la ilm, ou la loura, ou la tamassouk, ou la ferme, et ils se mettent en avant. On est arrivé à un niveau, à notre époque, ba'dannas, ils n'ont rien à voir avec l'ilm. La min qarib, ou la min ba'i. Amma Cheikh Abdeslam, là, il parle de certains étudiants qui ont étudié, là, qui ne sont pas à leur place. On vit à une époque, ba'aduhum la ilm, wa la hilm, et ils se mettent en avant. Iyadam billah. Pourquoi les anna, cette époque, c'est l'époque de se mettre en avant. C'est pas une époque, anna al-ashiya touzan bil ilm, al-rijal. Mathalan, est-ce que hada, il a étudié? S'il a étudié, il a étudié où? Ça suffit pas. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il est recommandé? Est-ce que son enseignement, il est bénéfique? Il a akhiré. Hatta, est-ce qu'on peut profiter de lui? Amlala, on est à une époque, celui qui parle. Et la façon de parler, imma, il est éloquent. Imma, ma'adriyana, des raisons, et tu trouves, umma minan nas, il le suit. Pas par rapport au ilm. Ça serait par rapport au ilm, ou là, il serait pas suivi. Lakin, c'est cette époque de fitna, yadam billah. Celui qui veut étudier هذا العلم, il fait attention à cet obstacle. Ne te précipite pas. ولا تظن أن العلم c'est un an et خلاص. J'ai étudié un an. وعظهم, ils se mettent en avant et ils se décrivent. أنهم ils ont fait telle chose pour pouvoir enseigner. Et تجد وعظهم أنه il a étudié deux mois. وعظهم il a étudié quatre mois. هذا c'est غريب جدا. Deux mois, quatre mois, c'est le début. C'est le début du début. Vous allez voir, ça parle en décennies. Hada, il a étudié 30 ans. Hada, il a étudié 40 ans. Hada, il a étudié 50 ans. Jusqu'à la mort. Radiyallahu ta'ala anhum. Limada, ou lihada, naf'u l'umma. Ta'ammal anta les élèves, faqat, de l'imam Ahmed. Sans parler de lui. Lui, c'est imam Ahlus Sunnah à son époque. Radiyallahu anhum. Ses élèves après lui, les élèves de l'imam al-Bukhari, les élèves de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ses élèves c'est des a'imma. Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Rajab, l'imam Zahabi, c'est des a'imma dans plusieurs matières. Ça c'est leurs élèves. C'est quoi hada? C'est le fruit de l'ilm. Qala shi'aruhum al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd, al-ilmu min al-mihbara ila al-maqbara. Aïe. Du plus jeune âge jusqu'à al-maqbara, jusqu'à la mort. Ils ont demandé à certains imams, minhum al-imam Ahmed, ila mata hada al-ilm, et ils répondaient, ila al-maut. C'est pas comme à notre époque, certains, al-ilm, il faut un diplôme. L'ilm al-shar'i, c'est pas que pour avoir un diplôme. Là, c'est pas ça le but. Oh, c'est pas que quelques années, je vais étudier un an pour pouvoir faire telle chose. Là, هذا العلم c'est une ibadah. قال رحمه الله قال الإمام المديني علي رحمه الله تعالى من مشائخ الإمام البخاري قال رحمه الله قيل للشعبي إمام من أئمة السلف من أين لك هذا العلم كله ils ont demandé à هذا الإمام الشعبي من أين لك هذا العلم أي d'où vient tout ce علم que tu as قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب أسباب نافعة il a cité quelques causes pourquoi هو il a profité في العلم et أنت بإذن الله عز وجل ça te sera profitable بنفي الاعتماد أنه il compte sur personne il compte sur Allah سبحانه وتعالى Et nous, on doit faire attention à ça, ne pas toujours compter sur les autres. Là, tawakkal ala Allah. Et fais des efforts. Al-ilm, c'est des efforts personnels. Et tawfiq, il est biyadillahi azza wa jalla. Ne pas toujours compter sur les autres. Un fulan, il m'a pas ouvert tel dars, donc j'avance pas. Fais des efforts. Elle m'a compté sur les autres, là. Qal wa sair fil bilad. Kadhalik, voyager. Ça montre que l'ilm ne viendra pas. Il ne viendra pas à notre porte. Al-aslo, c'est que c'est nous qui devons nous déplacer pour l'ilm. Wa hada kadhalik. Kathirun min an-nas. Ils n'arrivent pas à avancer vers l'ilm. Limadha? Li'annahum comptent sur les autres et ils ne font pas d'efforts. Falihada yaqulun, mais il n'y a pas de durus. Dans ma ville, il n'y a pas. Dans mon pays, il n'y a pas. Lakin, peut-être que dans des autres endroits, il y a. Fais les efforts si tu peux. Ha'oula, ils ont profité. Limadha? Li'annahum, ils ont voyagé. قال وصبر كصبر الجماد لدون رواية كصبر الحمار يباسيونتي جدا هذا العلم يفو باسيونتي أما الذي لا يصبر ربما مانك دارجون يفا ديليسي ربما إن مالادي يفا ديليسي ربما إن بس دو إيمان يفا ديليسي ربما إلا با كومبري تل ليفر أو إلا دو مال أفانسي دون لا ميموريزاسيون يتلس لا بد من الصبر celui qui n'a pas de patience Abdan, il arrivera à avancer fil ilm. Hada al-ilm, il faut beaucoup de sabr. L'insan yasbir, et parmi les choses qui t'aideront à patienter, akhi al-karim, annaka t'es ma'jour. D'ala kulli hal, t'as une bonne niya et t'atlob al-ilm, t'es récompensé. Hada, ça va t'aider à patienter. C'est pas perdu. Al-ilm, c'est pas quelque chose de dunya. Là, al-ilm, c'est dinullah subhanahu wa ta'ala al-haq, al-ilm al-shar'i, al-kitab ou al-sunnah. قال وبكور كبكور الغراب كذلك للطم أنهم يسولفت خط خطو بكور كبكور الغراب الغراب سلي كربو يسولفت خطو لهذا تسمع صياحهم خطو فالإمام الشعبي رحمه الله يسولفت خطو يكمنسي فهذا نمتخل أن هذا العلم يفول يدني دو طم أما واحد يسولفت دو نبا بروغرسي وكما تلو دماند فربما Il donne une demi-heure ou akthar ou aqal fil yawm. Hada, c'est pas assez. Hada al-ilm, il faut des sacrifices. La bud. Wa qala l'imam al-Shafi'i rahimahullah, la yablugh fi hada al-sha'n rajul hatta yadhurru bihi al-faqr wa yu'athiruhu ala kulli shay. Celui qui veut avancer fil ilm, hakada qala l'imam al-Shafi'i, il devra goûter à la pauvreté. لماذا لأن celui qui va avancer في العلم لا بد من تفرغ devra faire des sacrifices et il n'aura pas le temps de faire certaines choses في الدنيا فربما بعض الأحيان يصاب بالفقر فالصبر أما chaque fois qu'on a un manque dans une chose et on délaisse العلم هذا c'est pas la solution الإنسان يصبر ومن المهم هنا أن طالب العلم s'il veut avancer في العلم Il doit faire très très attention de ne pas suivre Ahl al-Dunya dans leur niveau de vie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se passer. Beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les sorties, que ce soit dans les achats. Beaucoup, beaucoup de choses que les gens ils achètent ou ils font il n'y a pas une grande utilité. En tant que talib ilm, attention de ne pas suivre ha'oula. Ha'oula, ce n'est pas des tollab. Al-awam, al-juhal, ce n'est pas des tollab ilm. Ils vont faire des efforts fit dunya pour pouvoir profiter de certaines choses. Si tu veux les suivre, ça te prendra sur l'ilm. Et on ne parle pas du haram. Le haram, c'est grave. On parle du halal. Léhada, certains sacrifices et ton niveau de vie, fais attention de ne pas suivre al-juhal. Alhamdulillah, tu manges, alhamdulillah, tu as des vêtements, alhamdulillah, tu sors à hiyanan ila akhri, lakin, il faut se limiter pour avancer fil ilm. Elle m'a se laisser aller, vouloir faire comme les autres. Là. Qala, wa qala ibn Hamza, qala li Ya'qub, qala li Ya'qub ibn Sufyan, al-hafiz al-imam, aqamtu fi rahla, ou fi rihla, 30 ans, 30 ans, الرحلة. Là, c'est le معنى, le mafhoum, le wadih, c'est voyage. 30 ans, الرحلة. Un voyage de 30 ans. T'amel haoula. C'est pas un voyage de 2 semaines, de 6 mois, 1 an. 30 ans. Fil ilm. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fataha ala haoula? Ils ont beaucoup de sacrifices. T'alamouna, un voyage, il faut de la patience, il faut beaucoup de choses. 30 sana. قال وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد هذا الأثر إلى مشهور يكون لا يستطاع العلم براحة الجسد تغيب غطاء منصف العلم براحة الجسد أنت غبوزان لهذا طالب العلم طالب العلم نعم il fait des efforts plus que les autres c'est pas la moindre chose elle nous écarte بعضهم ربما une chose tu le vois plus là في دروس là في حفظ là في مراجعة si on fait pas attention toujours il y aura quelque chose دائما أم العلم c'est la priorité أما les maladies ça arrive la pauvreté ça arrive certains problèmes ça arrive ça doit pas te faire bouger il y en a si une petite chose elle nous veut bouger aujourd'hui tu vas manquer le dors la semaine prochaine tu vas manquer un autre dans 2 semaines tu pourras pas réviser dans 3 semaines tu pourras pas حفظ Robama, le mois prochain, tu peux plus voyager. Ouais, et tu n'avances plus. La dunya, c'est fait d'épreuves. Et est-ce que, haoula, salaf, si on prend Yaqub ibn Sufyan, rahimahullah, qui a voyagé pendant 30 ans, est-ce qu'il n'a pas eu de maladie? Est-ce qu'il n'a pas eu de problème? Est-ce qu'il n'a pas eu de manque d'argent? Achet! Ils étaient éprouvés plus que nous. Malgré cela, il a fait ce long voyage. Ouais, kada, jami' al-a'im. On fait attention, la moindre chose, elle ne nous écarte pas. Là, on patiente l'ilm, c'est l'ilm, mais en priorité. Mais en priorité, même si un jour, une chose de très très importante, elle arrive, tu fais les efforts, les causes pour régler le problème, somma tu reviens. Et on ne se laisse pas aller. C'est avec le temps, sans interruption, la régularité, et tu avanceras. Amma, kullama y a une chose, on arrête. هذا الشك أن سيعائق كبير يوم لابو في الاستمرار أيضا لا regularity وقال ابن الحداد المالكي مال العلم وملائمة المضاجع ça ressemble au أثر de يحيى بن أبي كثير أي العلم avec الراحة avec le repos c'est incompatible ça ne veut pas dire que طالب العلم ne se repose pas là لكن C'est comme ce qu'on a cité auparavant, avec la nourriture, les vêtements, les sorties, les, ce qu'ils appellent certains les loisirs, il faut se limiter. Mais si tu te laisses, hatta fi an-nawm, hatta fi ar-raha, Robama, tu vas perdre des heures par jour. Et avec le temps, Robama, ces heures, ça se transforme en mois, en années. Dha'at fi an-nawm, wa fi ar-raha. La shakana al-insan, son corps, il a haq, lakin hatta fi hadha, il faut se limiter. Ahyanan, même si on est fatigué, il faut continuer. Amma si on ouvre la porte, madalan natlub al-ilm, imma on lit un livre, imma on apprend par cœur, imma on assiste à un dars, imma on doit se déplacer pour assister à ce dars, et on est fatigué, on repousse. Fa hada khalas, shaytan sayatasallat alayk. La, l'insan yujahid nafsa, et nafs elle s'habitue si sahibuha, il l'habitue. Amma ce nafs, si tu le laisses, prendre du plaisir fil akl wa an-nawm wa tous ces plaisirs de dunya ça devient un nafs thaqil un nafs qui veut plus faire d'efforts qala Abdussalam fa ala talib al-ilm أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال منهم ويدرك بغيته فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. كلام جميل. Celui qui veut avancer fait l'ilm, il doit prendre comme exemple haoula. Amma, on répète, si on se compare aux gens de notre époque, Shaitan, il va te faire croire que tu as atteint tel niveau. Tu es resté fil masjid, entre tel salat et tel salat. Alors que les gens, ils ne viennent même plus au masjid. Shaitan, il va te faire croire que tu as fait quelque chose de azim. Tu as appris tant de hadith. Kathir min al-nas, là, ils ne donnent plus aucune importance à ça. Shaitan, il va te faire croire que, mashallah, tu as atteint un niveau fil hifd. Et tu avanceras pas. Là, les exemples, les modèles, c'est haoula, al-a'imma. Et en revenant à leur biographie, tu verras qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. وكما قال لابد من الصبر والمثابرة لابد la patience les sacrifices et la régularité كذلك des sacrifices بالمال des sacrifices avec ton argent des sacrifices sur ton temps des sacrifices avec ta femme et tes enfants لابد celui qui va avancer في العلم واحد يسويل les enfants يسويل الأهل et il vit comme un ami هذا ça sera un ami comme les autres لابد des sacrifices La boud est donner à chacun son haq et bien sûr s'organiser. Il y en a celui qui s'organise, bi'idnillahi azza wa jal, il arrivera à donner le haq à Fulan ou à Boulan et au ilm et à son nafs. Wa khitaman athkur muhawaratan bayn athnain, tuwayin qimat al-ilm, wa makanatuhu al-aliyah, wa annahu la yahsul illa liman badala fihi kulla shay ala hadd qawlihim. أعطي للعلم كلك يعطيك بعضه. Si tu donnes tout ton nafs, tes efforts, tout ce que tu peux faire l'ilm, fais l'ilm, il te donnera un peu. لأن العلم c'est quelque chose de واسع. Celui qui se met à 100% faire l'ilm, l'ilm lui donnera un peu. À celui qui donne un peu au ilm, qu'est-ce qui va lui donner l'ilm? قال رجل لآخر بما أدركت العلم. Cheikh Abdussalam, il cite ce dialogue entre deux personnes sur l'ilm. Et comment Fulan min al-Nas, il a réussi à profiter min hadha l'ilm. Bima adrakta l'ilm. Qala talabtuhu fa wajadtuhu ba'id al-maram. La yusadim, la yusad bis-siham. Wa la yura fil manam. Wa la yurath an al-aba wal-a'mam. Awalan, il faut bien comprendre hadha. أن العلم c'est pas héréditaire. أن العلم ça s'achète pas. العلم c'est بالطلب. إنما العلم بالتعلم. العلم c'est avec des efforts et demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas penser que العلم c'est Fulan qui le donne ou là. العلم c'est من الله عز وجل. Faire l'asbab et التوكل على الله. قال فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس ولا يسقى إلا بالدرس إيه نعم avec des efforts avec des دروس avec du حفظ en revenant à أهل العلم en empruntant bien sûr la bonne voie en suivant la bonne méthodologie en patientant فهكذا العلم بالتدرج petit à petit tout ce qu'on a vu في الرسالة قال أرأيت من يشغل أو من يشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها كلا والله أي واحد qui est occupé la journée et la nuit كذلك il est occupé بأهله est-ce que هذا ça va devenir un faqih un savant قال كلا والله أبدا العلم سابق الأسباب إن العلم لا يحصل إلا لمن اعتض الدفاتر وحمل المحابر وقطع القفار وواصل في الطلب الليل والنهار هذا celui qui va arriver fait l'ilm. Des sacrifices, des efforts, des causes, بالليل والنهار, nuit et jour. Sans négliger l'ibada. لأن العبادة ça aide, ça facilite. Bien sûr, le wajibat, c'est obligatoire pour tout le monde. Et النوافل. ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم ويصبح قادات في العلم أئمة في الهدى. إيه نعم. Le but de ce bab, comme a dit Cheikh Abd Salam, c'est de montrer que l'ilm, c'est pas une semaine, un mois, un an, deux ans. L'ilm, c'est un mode de vie. L'ilm, c'est une ibada azima. L'ilm, c'est jusqu'à le mode, bi idnillahi azza wa jal. Et هذا العلم لابد من إخلاص. La sincérité, الصبر, la patience, les sacrifices. Et bien sûr, avec une bonne aqidah, l'insan, il est tawakkal à Allah. Et inshallah, il espère la récompense et ça lui facilite. Wallahu musta'an.